Bonjour la gang, vous écoutez le podcast Les Sorbes du Caractère Mou. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Même que c'est du caca. Du gros caca. Oh wesh, je vais vomir tellement c'est mauvais. Vomir directement sur les planches. Blarg. A fuck, y'en a partout, c'est dégueulasse. J'arrête pas de vomir. Les planches plintent mon vomi. Ça pue. Arc, ça pue pour vrai. Sacre mange d'un bas vomi. Ça se peut pas. Je suis désolé. J'ai pas l'habitude de vomir autant que ça. Calvaire qui en a partout sur les planches. Oh non, fuck. Mon bébé a glissé. Il est tombé la face direct dans les vomi. Pauvre bébé, je suis une mauvaise mère. C'est tutte de la faute de ce podcast de merde. Je vous déteste les sorbets. Bonne émission. Ok, j'enregistre. J'enregistre. Ris pas de monsieur Rejus. Genre Jus. Hey, sais-tu, c'est quoi l'anniversaire de l'épisode 56? Non. C'est l'anniversaire de Buis. Ou Buis? Ouais. Les Buis? Buxus. Buxus est un genre de plante dicotylédone de la famille des Buxadées. Il regroupe pas environ 90 espèces originaires de tous les continents. 90 espèces d'originaires de tous les continents, Mathieu. Mais fait peu connu sur moi, c'est mon type de plante préférée, les Buxadées. Au primaire, on m'appelait Buscatieux. Puis c'est quoi c'est quoi la famille de plantes que t'as eu le plus? Les Truscalus. Truscalus. Là, je vais googler ça, je vais être sûr que ça existe. Truscalus. Ça trouve des trucs. Nice. Je pense que c'est un nom de famille. Gabriel Truscalus. Mais c'est pas un j'ai ça, c'est lui. C'est genre de... C'est un esti, ça, Gabriel Truscalus, mais... un petit Chris, là. C'est genre il amenait des bonbons, puis genre, il l'échappait à terre, puis là, il te le donnait. Fait que là, il y avait plein de sable dessus, puis t'étais comme... Ah, vas-y de manger. Ouais. C'était censé être ton ami, mais non, l'esti, hein? Mais il s'appelait Truscalus, l'esti. Mais c'est pas de sa faute, ça. Ben, peut-être. Ouais, c'est peut-être qu'il s'appelle Gabriel José, puis... Des Trois Maisons. Ouais, c'est ça, c'est elle. Ouais, Truscalus, tu cherches sur Google, c'est le genre de recherche qui te donne juste 6 résultats, là. Ouais, ils sont tous pas en anglais. Mais j'ai cru voir Gabriel Truscalus, fait que pour ce que ça vaut... Bah, parfait, ça. Hey, aussi, on est officiellement un mauvais show... la vie en général, on dit que tous les bons shows prenaient une pause l'été. Bon ben... Et voilà. Bon. On apprend-tu le? Fuck it. On je pense que c'est de même que ça se fait, c'est ça. C'est exactement. En choisissant de prendre une pause, on deviendrait officiellement un bon show. Ouais, on fait une pause là, puis dans le fond, on sort les épisodes, mais ils sont juste vides. C'est ça. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de nom, pas de description. C'est un fichier audio d'une heure et quart, vide. Ben, en fait, c'est des on ripoff un peu l'autre côté. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. Eux, ils ont inventé les podcasts avec rien. Ouais, c'est ça. L'autre côté, on rappelle le podcast qui fonctionne pas, qui est toujours sur Balado Québec, puis que là, il est encore premier, je me trompe pas, dans le top 5. Nice. Fait que l'autre côté, recommandation de la semaine. Tu sais, s'il y aurait un seal de qualité des sorbets, là, ben, il serait all over ce podcast-là. Là. Ouais. Toutes la pochette serait juste des commentaires de nous autres, puis il y a une espèce de ruban doré. Non, exact. Seal of quality sorbet, quelque chose comme ça. Là. Sorbet approved. Ouais, c'est ça, exact. Yes. Fait que. Faut aller l'essayer, hein. Écoutez, allez sur Balado Québec, allez écouter l'autre côté. Ça va être sûrement meilleur que ce qui s'en vient là. Parce que moi, podcast que l'anniversaire, c'est des Buis. Buis? Ça va être. C'est quoi? C'est Buis, j'imagine? C'est pas Buis? J'imagine, c'est Buis. Comment prononcer. Ok, on va trouver ça, là. Comment prononcer Buis? Prononciation de Buis. On écoute le son. Buis. Ah, Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. Buis. J'entends plus. Fait que Buis. Puis c'est le fun, ça vient de forvo.com avec... Chris, y a-tu un mot que tu dis ça? Je suis pas sûr comment le prononcer. C'est sûrement sur Forvo. Hein. Forvo? Ouais, forvo.com. C'est quoi ça? C'est le site de prononciation de mots. Ben, tu sais que sur Google aussi, tu peux faire prononcer le mot. Ouais, mais c'est un robot. Là, c'est des dudes qui s'enregistrent. Ah, ouais! Forvo, y a-tu un mot que tu fais comme Chris? Pas sûr, moi, de ce mot-là. Ben ouais, mais si je te le dis, tu comprendras pas parce que je sais pas le prononcer. Plasma! Non, je sais pas, ok, ben. Plasma! Ben ok, ben ça doit pas être un. Ça doit pas être un mot. Plasma, mais non, c'est super, vous venez de trouver un mot encore présent sur Forvo. Ajoutez Plasma sur Forvo pour connaître sa prononciation. Forvo. Aïe, aïe. Ah, faut que je m'identifie avec Facebook pour le rajouter. Pas envie que ma grosse face soit à côté de ce mot-là. À côté de Forvo. Forvo de Plasroy. Plasroy, ben... Plasroy, si vous savez comment prononcer ce mot-là, juste à nous le dire. Je vais aller... Quel mot, genre? Il y a sûrement un mot. Poteau. C'est poteau ou ben, poteau? C'est poteau. Ça va être poteau. Poteau. Il dit poteau. Poteau. Patou. J'entends pas. J'entends mal. Allô, Stéphane, j'entends mal. Il y a d'autres expressions. Coiffé au poteau téléphonique. Coiffé au poteau. Poteau. Ah, mais c'est dit par un français. Poteau téléphonique. Poteau téléphonique. Ah, c'est poteau. Le poteau de but. Ah, lui, il dit il faut dire but aussi. Le poteau de but, il faut dire poteau but. Le ouais, mais c'est pas, on dit pas but. Ben Chris, il dit. La vraie Forvo. Prononciation, c'est. Mathieu, Chris, tu vas-tu vraiment remettre en question ouais. Forvo? Leur tagline, c'est but. All the words in the world pronounced. Ah, mais but. Le poteau de but. Mais c'est pas but. Ça se dit, le T est pas muet. Le poteau électrique. Ben non, toi, tu dis, ça se dit but. Donner un but à la vie, on dit, faut dire but, man, sur la rousse. Le handballeur a touché le poteau. But, ça se dit but. Bon, ben, vous l'avez appris ici au sorbet du caractère mou, faut dire but. Yeah. Beignet à la banane. Bon, ben, beignet à la banane, c'est comme ça qu'on le prononce, vous l'avez appris ici. Beignet. Le beignet. Beignet à la banane. C'est un cauchemar. Oh, attends, là, hein, je peux changer de langue. Beignet en anglais. Beignet. Sais-tu que ça en néerlandais? Beignet. Ouais, lui, l'accent comme plus au début, là. Beignet. Il y a des... Traduction en allemand, c'est ça. Krapfen. Hey, dis-moi pas qu'il y a des traductions pour le mot beignet en autre langue. Krapfen, c'est-tu? Fank? Fank. Fank, c'est en hongrois. Fank. Fank. Fank. Donat. En indonésien. Donat. Eh ben. Ok. Hey man, on pourrait changer de segment, là. C'est plate en tabarnak. Pas... Ben, penses-tu qu'il y a tabarnak? Ben, il y a tabarnak. Bon, tabernacle, là. C'est le... Ouais, tabernacle. Il y a deux prononciations. Est-ce que je suis cultivé, hein? Tabernacle. Prononcé par Moon Cow. Ouais. Tabernacle. Oups, c'est en anglais. Oh, tabernacle. Tabernacle. Okay, c'est en encore. OK. Prononcé par Epre. Tabernacle. Bon, je l'aurais appris ici. C'est tabernacle. Nouvel épisode du podcast. Nouvel épisode du podcast. Avant de terminer ce podcast. Podcast. Oh, il y a du bass drum, lui, au début de son P. Podcast. Bon, ça c'est Forvo. Épisode de cette semaine commandité par Forvo.com pour tous vos besoins de prononciation de mots. En fait, nous, on en aurait besoin, parce que vous remarquerez que je prononce pas 50% des mots qui sortent de ma bouche. Ouais, moi non plus. Ça, pis l'autre 50% est dans le nez. Ouais, c'est ça, exact. C'est sorbet nasal et aucune prononciation. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Les nasosorbets. c'était le spin-off, hein? On s'est rendu compte, finalement, un spin-off, c'est pas mal pareil. On dirait que les nasosorbets, ça va être quelque chose un peu du futur, genre du vieux futur, là, avec des lasers puis du fluo. Hein. Les nasosorbets, Chris, on fait tout ça à la place? On fait ça, les nasosorbets. C'est quoi les sorbets dans le futur? On invente ça? On a rien, là. Je sais pas. Inventer ça. Voici les nasosorbets, le seul portable moderne pour se lâcher la grappe entre deux injections de vitamine C. Disponible sur les plateformes Cyberbalado, Podcast 2000 et Radio Top Cool Québec Top 2O en format ultra vidéo et audio cosmique. L'écoute de sonne portable en pilotant votre voiture volante est fortement déconseillée par le gouvernement. Piou, piou, piou, piou, piou. Oh ouais, oh ouais, les bienvenue au nasosorbet. Piou, piou, oh. Attends, j'arrive sur mon skate volant. Oh, ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement néon. Dehors, la température est de moins million. mettez vos scaphandres en... mettez vos scaphandres... D'aluminium proto-nucléaire. Exact, j'allais dire les scaphandres en aluminium proto-nucléaire. Vous êtes en compagnie de Street Rad Stéphane 902, cloné. Puis oh, c'est rad cette semaine parce que là, on reçoit nul autre que... Radical Matt Matt. Comment? Radical Matt Matt? Ouais. On reçoit nul autre que Radical Matt Matt. Yo, yo, yo! Écoutez, là, bon, on est en 3115. Je suis arrivé en voiture volante, je suis débarqué en skate volant. Puis ce qui est drôle avec ça, c'est que tu l'as fait vraiment en même temps. T'as sorti du skate de l'auto volante, là. Ben oui, mais dans l'auto, t'es pas assis, t'es debout sur un skate volant. Ben c'est, ouais, c'est ça, mais c'est, moi, je conduis pas, hein, je suis pas un adulte. Ouais. On n'a pas de flasher, tu fais juste en super métro futuriste. Hein, tu sors en genre pour faire les signes pour tourner, genre s'il y a pas de flasher, faut que tu sortes ta main en faisant genre un signe cool avec tes doigts genre de chaque côté là, comme un mais comme le excuse-moi, le devil téléphone là. Ouais. Plus c'est un téléphone ouais. qu'un devil. Ouais, c'est un téléphone, ouais, c'est ça. C'est un ouais, un téléphone, c'est un comme ça. Ouais, c'est ça. Thumbs faut up que tu fasses en shakant, tu sortes ta main pour tourner. OK, fait que c'est ça qui se passe. Puis là, t'es à une main, puis t'es comme... Puis là, tu peux tourner. Ben, c'est bizarre sur les c'est coins malade. De rue, là, qu'il y a tous les chars volants, t'entends juste ça. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. Y a-t-il une solution pour les muets ou dans le futur, ça n'existe plus? Aujourd'hui, tu parles? On les a tous tués. OK, c'est ça, exact. bon, ouais, comme aujourd'hui, c'est le 500 millième épisode des nasos ouais. Sorbets. Les nasos sorbets. Des nasos sorbets. On a quelque chose de bien spécial pour vous autres. Mais t'as la nouvelle console de jeu. Oui, la nouvelle Super Flexto 400. écoutez, j'ai essayé ça un matin, c'est complètement barjo. j'ai mis ça, puis c'était assez, là. J'en ai vu toutes les couleurs. Hein? J'ai vu du noir, j'ai vu du vert. Mais ça a l'air qu'il y a presque toutes les couleurs qu'on voit, nous. Ben, on dirait qu'à force d'avoir le casque à la tête, tu penses juste à ça. J'ai beaucoup de noir, beaucoup de vert. En tout cas, ben, c'était vraiment... C'était comme... Ça avait l'air vrai, là. Je voyais à un moment donné... Hein? Mais ça bougeait en temps réel, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est ça que c'est fou. Tu mets ça sa tête, puis ça te suit. Okay. Comme il y a littéralement un monsieur de la compagnie Super Flexto qui te suit, puis lui, il s'assure que ton monde soit synchronisé avec leur machine. Je sais pas trop comment ça marche, là. Il m'a pas trop expliqué. Mais ouais, parce que là, vu qu'on est commandité par Super Flexto depuis... Depuis 4 épisodes maintenant, merci, hein! Ben là, on a pu essayer la nouvelle machine. Là, on a essayé le jeu de Ricardo... spatial. c'est Ricardo sur Mars. Oui, ben t'es Ricardo sur Mars. Tu fais des recettes comme de... Donc, ouais. On sait que Ricardo qui... Ouais. Ses recettes spatiales. Hein. On se rappelle d'où c'est arrivé. C'est arrivé environ dans les années 2000, je pense, le Ricardo 1. Puis ouais. Là, avec le clonage puis tout, on a encore le Ricardo d'aujourd'hui qui s'adapte avec les nouvelles cultures. Là, je suis désolé pour ceux qui sont un peu racistes, mais oui, ici, on parle avec les extraterrestres puis les martiens aussi, là. Ben, les Vénusiens qui viennent d'arriver, qu'on vient de découvrir. Là. Ouais, mais tu sais, ils nous volent tous nos jobs, asti, Vénusiens. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, je vais rester open-minded. Mais ouais, c'est ça, le jeu de Ricardo, t'es sur Mars, puis tu fais des recettes pour les martiens, fait que là, t'avais des blogs de book. Ouais, c'est ça. C'était dur parce que je connais pas. Mais ça a l'air que là, ils ont ajouté la simulation de Trouglou. Oui, mais c'est ça. C'est moi, ce qui me fourrait, c'est que Ricardo, tu sais, je pensais, moi, c'était comme plus simplifié. Puis Chris, il suit vraiment comme les vraies recettes authentiques martiennes. Puis moi, j'étais habitué plus avec la version américanisée de la bouffe martienne, tu sais. Fait que ça, c'est plus simple, là, Chris. J'avais fait de même, puis ça marche vraiment pas. Puis tu prends les espèces. Tu sais, c'est comme. Le Tex-Mex. T'as vu les gants que ça prend pour le Super Flexto? Genre, c'est des petites grosses mythes bizarres en aluminium, là. Puis ça plie pas trop bien. Fait qu'essaye de prendre des ingrédients avec ça. Mais par contre. Ce qui était vraiment fascinant, l'espèce de truc en odorama là, qui vient sur le casque. Ouais. Je te jure, je sentais Mars. Ah! Le super nasio. Le super nasio, ben c'est ça, t'en as entendu parler, mais c'est fascinant. Ouais. Mais j'ai jamais autant senti Mars que ça de ma vie. Ok. Là, t'es déjà allé, toi, c'est ça? T'as fait ton voyage sur Mars? Ouais, pas encore, là. J'étais censé, puis j'ai poussé out. Parce que c'était prévu. Le décollage est encore rough un peu. Hein. Ben c'est ça que tout le monde me dit. Je trouverais la dernière fois que j'ai essayé, il y a 3 hyper années à peu près. Je faisais la super file, écoute, j'étais à deux doigts de rentrer dans, sais, c'est, c'est des voyages à plusieurs, là, avec un tour guidé pis tout. Pis j'ai choqué à la dernière minute, j'ai dit au gardien fluo, garde, écoute, je peux pas, je vais chier dans mes ultra culottes. J'ai fait de crise, c'est pas vrai que je vais refaire ça une deuxième fois dans ma vie. Dans tes radalons. Fait que je suis juste parti. À un moment donné, je vais le faire. Mais tu sais, avec ça, le casque, tu sais, ils ont quand même bien simulé. Mais là, avec l'alliance avec les Vénusiens, tu irais plus genre entre Vénus ou Mars? Ou encore, t'es encore un peu comme traditionnel, t'aimerais mieux comme la Lune? Ouais, la Lune, ça a l'air. On dirait que c'est loser rendu là. Ouais, c'est ça, tout le monde. T'es déjà allé? Ouais, j'étais allé deux fois. J'étais allé quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le spot normal. Tu sais, il y avait un manège avec les comme des petites fraises qui tournent, là. Ouais, ouais. Genre, je comprends pas ce manège-là. On dirait que c'est là depuis, genre, les années 2000, genre. Crise de ce vieux manège. Non, c'est ça. Il y a même pas d'écran, genre. Je comprends pas. C'est pas fluo, ça flash pas. Il y a comme une lumière dans le milieu. T'as un dos d'une nacelle qui te parle. Tourner, hey. Mais quand j'étais jeune, c'était de shit, là. C'était mon manège préféré. J'étais comme, wow, des fraises géantes. Puis là, après ça, tu fais comme Chris, des fraises géantes. Il y en a partout, tu sais, tu vas au supermarché. Ah, c'est ça. C'est comme, hey man, tourner. Comment est-ce que je viens de sortir de la planète? Non, ben, c'est ça, exact. Mais bref, ouais, sur la. Faudrait peut-être que j'y aille. Il y a peut-être de quoi. Tu passes là, quand j'étais allé sur la Lune, moi, c'était juste, tu sais, les spots à touristes. J'ai juste vu des spots de quand j'étais jeune que tout le monde va. Ouais. Fait que je sais pas si tu peux pas sortir des genre au gros cratère ou ben le. Ouais, gros cratère, je m'en souviens. La poussière dorée des lunes. Ça, je m'en souviens pas tant, mais j'ai des photos de ça. Okay. Ah, man, je suis dégueulasse sur les espèces de. En plus, tu sais, les photos de tes voix, là, vu qu'ils sont animées, là. Tu me vois tomber dans la poussière, man, c'est dégueulasse, là. Mon père est. Ouais, c'est ça, sans arrêt en plus. Genre, paf, là. Oh. Ouais, t'essaierais de marcher d'un cosmosuit, là, c'est difficile. Là. Non, c'est ça. C'est la première fois. Ça a l'air que les autres en ultra nylon, ça va mieux. Là. Ben, Chris, je savais pas. Là. Mes parents, ils étaient pas les plus. Non, mais c'est dans le temps. Là. C'est les nouveaux qui sont. Je pense qu'ils sont sortis comme le mois passé. Ah, ok. Ben c'est comme ça aide pour Vénus aussi. Ouais, ben. Ouais, je sais pas. Vénus, c'est encore trop nouveau. Là. Ouais, c'est dangereux. Moi, je les trosse pas, man. Les Vénusiens sont. Ça sont un peu violents. Mais ils sont beaux, par exemple. Ils sont beaux en Chris, là. Ouais, ils sont beaux en Chris. Ils sont grands, là. Pis... Genre, je suis pas gay, mais un Vénusien, tabarnak. Belle pièce de ultra monsieur. Mais là. Eux, ils ont trois sexes, c'est ça, hein? Ben, je pense qu'ils ont. Ça, il y a trois sexes différents. Je pense que c'est. J'ai pas trop compris, mais ça varie comme selon l'âge. Fait que c'est comme des cycles. Tu sais, c'est pas femme-homme, mais mettons que ce serait des humains. Ce serait comme femme-homme, ou tu sais. Ok, ouais. Il y a comme une rotation. Mais je me suis pas assez. Je me suis pas. Ouais, là. Mais c'est nouveau, là. C'est... Ils ont comme levé l'embargo un peu, là. Fait que là, on a le footage de sur Vénus. Ouais. C'est quand même vraiment impressionnant. Les espèces de bâtiments à l'envers qu'ils ont fait. C'est fucked up, ça. Là. Ils sont grands, les estis. C'est quoi, genre 13 pieds? Tabarnak, hein? Ouais, non, c'est n'importe quoi, man. Puis là, en plus, genre, ils courent vite. Ben, ouais, mais c'est ça. Là, tu penses-tu que dans les prochaines Olympiques de 4030, ils vont-tu être là? Tu sais, je veux dire, ça serait raciste de pas, mais Chris, ils vont battre tout le monde. Là. Ça sert à quoi de faire des Olympiques si les Vénusiens, ils gagnent toutes les crises de discipline? Ils vont gagner le bloc ball, ils vont gagner le tir à la plirche. Ouais, j'avoue. Tu sais, le laser javelot. Qu'est-ce qui va rester, ça? Le laser javelot puis le super curling, Chris, là. Le lancer du disque compact. Ça, là, ça, c'est drôle. Ça, c'est le seul... Tu sais, j'écoute pas les Olympiques, j'ai ça, mais ce sport-là, on se réunit de temps en 3-4 chums, on allume la télé cosmique, puis on regarde ça, tu sais, on fait comme tabarnak. Ouais, c'est ça. Vous restez dans un... voyons, c'est quoi le nom, là? C'est les nouveaux lofts, là? C'est les... Ben, ceux qui flottent, là? Ouais, non, c'est ça, ouais, on est comme... C'est comme dans le milieu de Mont-Royal, mais il y a comme un espèce de truc qui flotte. Genre, c'est nouveau, en fait. C'est comme le premier de ce quartier-là. Puis ça tombe une fois par année, là. Fait qu'il faut sortir avant, mais là, présentement, c'est comme si ça flottait, puis c'est bizarre parce qu'on le sent pas en dedans, mais quand t'es dehors, on dirait que t'es étourdi de le regarder. Là. Ok, ouais. Mais c'est pas pire, là. C'est juste que si tu surveilles pas un peu trop tes verres d'eau, tes trucs de même, des fois, Chris, voyons, si tu as une vibration, puis là, c'est comme tout renversé. C'est comme avoir des chats, mais pas de chats. Okay. C'est bizarre, c'est vraiment. Ouais. En tout cas, je suis pas sûr qu'on va rester là longtemps, là. Ça coûte cher que le Chris, là. Ça a coûté au moins. T'as encore. Ça a coûté. Ça... Tu parles encore de chats, toi. C'est... T'aimes pas mieux les robots chats, toi. T'sais, tu peux leur dire non, puis. Tu sais, c'est mieux, c'est des robots. Ouais, ouais mais. Ils sont poches, ils sont comme complètement dépendants. Hein. Ouais. Comme c'est un chat. Il y a quelque chose. Moi, j'aime mieux les chats vintage, là. C'est sûr. C'est vrai qu'ils aiment pas les hauteurs. Ceux avec les antennes, dans... puis. Ouais. Dans les loftrons, ils. Ben, c'est ça, hein, c'est de même. C'est ça le mot, c'est Loftron. Loftron, non, ça c'est. T'as les trucs qui tournent, les Loftron, c'est comme le modèle avant qui est suspendu sur des grands câbles. Mais ça ressemble, okay. C'est là. C'est Digimax, c'est là. C'est l'œuf branche. Bon, on a. On... c'est l'œuf branche, mais oui, en tout cas, c'est. C'est. Hey, j'ai craché sur mon ultra téléphone, excuse-moi. Ah, oh, man. C'est pas long. Je vais manger ma dernière bouchée de salade cosmique. Il y a le Cosmo Fruit, hein. As-tu goûté au nouveau Cosmo Fruit? Ben, j'en ai en pilule, c'est pareil. Ah, ouais, ok, ouais. Ouais, moi, j'essaye de switch entre pilule, puis des fois, un peu comme la vraie bouffe. Mais c'est-tu mieux que ça? Ben, ça donne la diarrhée, sinon. Tu chies pas mou depuis les pilules? Ben, je sais pas, comme j'ai tellement mangé ça depuis longtemps. J'ai pas vrai, je suis. En tout cas, mes selles, ils ont une forme de pilule, mais comme plus gros. Ouais, okay. Mais c'est genre, toi, c'est quoi, tu y vas comme une fois aux trois semaines, puis c'est genre, poup! Ouais, ben, je prends un rendez-vous. Moi, ouais, c'est ça, parce qu'il y a du monde qui se le font. Il y a aussi du monde qui se le font coude, genre, c'est comme la pilule au minimum, puis ils font juste plus caca. Hein. Ouais, ça, je sais pas. Il y a de quoi, on dirait, je vais avoir quand même les contrôles de mon ultra sphincter, ouais, ouais. Tu sais, un moment donné. Non, c'est ça. Genre, ils ont comme une grosse fesse aussi, c'est genre cousu. Ouais, mais tu sais, avec la proto-peau, là. Peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais fait, ok, ça, c'est hot, mais c'est tellement plus comme tendance, là. C'est l'inverse de rad, là. C'est vraiment non, c'est tard. Ça, exact. Puis en plus, tu peux plus manger le cul. Ben, Chris, comment... C'est ça, exact. Comment tu fais, tabarnak? C'est une énorme boule, tu sais. Non, c'est ça. C'est juste des fesses, pas un cul. C'est ça. En tout cas, qu'on se le dise, le sexe cosmique, hein? Ouais. T'as ouais, dit que... T'sais, tu venir dans l'apesanteur, hein? Ça, c'est... Ben, dans ça... pesanteur. Dans l'apesanteur. Ben, c'est le pesanteur maintenant, depuis, la réforme vrai. De la langue française de 2005. Mais c'est pas le pesanteur, justement, pour enlever le sexe, en fait, de la langue. C'est quoi déjà le site de... Il y avait un vieux site internet sur les prononciations de mots. Je sais pas si ça existe encore. Il y a peut-être ce mot-là. C'est pas Favreau. Ouais, c'est Guy Favreau. John Favreau. Ah ben oui, toi, John Favreau. En tout cas, ben, c'est pas important, là. Désolé, comme à toutes les semaines, on n'est pas trop préparé, mais là, c'est parce qu'hier... Mais c'est mon... Ouais, moi, c'est parce que je viens de me faire mettre l'implant, genre. Je pense que ça te rajoute quelque chose comme un site d'espace de mongol de plus de stockage de données, comme 6 megs. Ouais, j'ai pas updaté ça fait une dizaine d'années, là. Je sais pas, je suis Ah non, mais là, j'ai un 6 megs complet d'espace de plus dans le cerveau. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, man? C'est bien trop gros, tu peux pas remplir ça. Ouais, mais c'est justement, c'est ce que je me dis, c'est genre de l'espace pour toute la vie. C'est genre, j'ai plus à me faire opérer, mais là, c'est pour ça que je suis un peu lent. C'est combien de temps qu'on m'a l'essence, une affaire de même? Bon, environ une demi-hyper année. C'est le dos de Magog qui fait ça? Ouais. Qui fait ça? Bah, attends, tu parles de Magog 1 ou 2? Fuck, je sais plus. Parce que j'ai vu les pubs, mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit... Magog 2. La tune finit avec Magog 2. Mais le dos de Magog 2... Mais celui, dans la pub, genre, c'est-tu ça pour vrai? La petite grosse table bleue avec des néons, puis ce que ça fait, tu sais, dans l'annonce, ils font comme revoler dans les airs, puis elle spin, c'est-tu ça pour vrai? Ouais, non, exact, c'est ça. Puis là, le médecin arrive, puis lui aussi, lui, il est suspendu sur des câbles au-dessus de toi, là, pour mieux contrôler sa hauteur. Hein. Puis il y a un bras robot aussi, parce que c'est plus précis un peu, là, tu vois tous les engrenages, zup, zup, zup, zup, avec du fluo. Parce que moi, je pensais que c'était juste un effet pour la pub, je le trustais pas, mais là... Non, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air que c'est prouvé scientifiquement. Hein. Magog 2, je me souviens d'avoir déjà visité Magog 1. Mais ouais, c'était... Puis... Ben, en fait, c'était Magog encore, c'était avant le split. Okay. Tu sais, quand c'était encore avant la guerre des Memfrey pis des Magog, là. Ah, ok, oui. C'est avant oui, que oui. ça pète, là. Mais moi, je me souviens. Ouais, c'est les Memfrey. Les Magog 2, c'est Memfrey, là. C'est toute la. Comme toute la famille Memfrey, c'est eux qui ont comme fait l'expertise de la chirurgie pour ça. Là. C'est eux qui ont comme développé un peu justement les bras robots pis toute la technique en arrière du. De la proto-opération avec des câbles laser. Ben, c'est connu, c'est pas mal reconnu à travers le monde. Là. C'est comme non, le exact, meilleur c'est de. Ouais. À Magog 2, c'est. Ouais, c'est exact. C'est là pour les implants cérébraux, cyber-cérébraux. C'est dans le 1 ou dans le 2 qu'il y a la rivière aux cerises? Ben, elle est pas entre les deux. C'est pas un peu ça qui sépare Magog 1 puis 2. Ah, c'est pile entre les deux. Oui, non, exact, c'est ça. Ouais. Ok. Non, c'est ça, il y a comme un pont à une place, là, pis c'est super gardé, là, c'est genre, t'as du monde avec des fusils laser pis des casques anti... Ça me dit quelque chose, c'est tellement loin, à ce micro de ouais, cosmo-géographie, hein, genre, j'écoutais pas, là. C'est drôle parce que je reprendrais ces cours-là. Mais c'est rendu de l'hyper-géographie, hein. Ah, t'es-tu sérieux? Fait que le cours que j'ai pas appris est déjà plus bon. Non, exact, c'est ça, est-ce c'est que rendu de l'hyper-géographie, ouais. Mais ouais, non, c'est quelque chose, hein, mais c'est comme, on en a parlé comme pendant trois hyper-années, ça, du... du split de Magog. T'es là dans le même courant de ça, je me souvenais même plus de rien. Ouais, c'est avec l'implant en fait que ça sert, c'est pour ça que je sais ça, là. C'est genre j'ai pu stocker ça prend comme. Il y a quasiment au moins comme 50 kilobytes complets même sur l'histoire de Magog. Chris, ça vient avec? Ouais, exact. T'as parlé que ça vient que du Chris de Bloatware de Magog 2. C'est quoi, t'as ouais, l'histoire non, de Magog? T'as-tu des pop-up pendant que tu parles? Non, mais c'est moi qui ai décidé. Il enlevait genre 50% de toutes les crypto-monnaies. Ok, Chris, c'est quand même c'est, ouais, non, c'est 50% de... Ça vaut du temps la peine? Ouais, mais je peux l'enlever. Là. T'as des softwares pour faire du ménage là-dedans un peu, faire des backups sur les disquettes. Ok, faut que je m'informe, là. Je suis tellement arriéré. Je suis trop old school. On dirait que je faisais comme mes parents. Tu sais, qui s'en foutaient un peu de ces implants-là, pis tout. Mais tu sais, comme. Chris, mais tu. Juste mais faire tu comme parler, eux, pis crever à 180, là. Tu sais, je veux t'as peut-être pas un gros, t'as un gros électro-tatou dans le cou. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que c'est comme, tu sais. Il y a comme pas les mêmes. C'est pas connecté, tu sais. C'est juste un truc de surface. Fait qu'on dirait que. Ouais. C'est comme. Ah ouais, c'est connecté à Microsoft Surface, ça. C'est la 30e génération, c'est ça? Ouais, ben, parce qu'ils ont lâché pendant 27 ans. Puis ils ont recommencé comme 2 millions d'années ouais, après. Ouais, ils ont essayé d'être cool, là. C'est comme, on va mettre un gros chiffre. Nous autres aussi, on est malades. J'en reviens pas des fois que cette compagnie-là, à quel point c'est vieux, là. Genre la Xbox Zero, là, j'ai hâte de voir ça, parce que avec la Super Plexto, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de jouer à Xbox Zero. Là. Non, exact. Mais ouais, non, mais c'est connecté, en fait, ça fait partie un peu, c'est comme, je peux changer le dessin pis les couleurs. Là. Ok. C'est comme le... Ah, oh, t'as pas un peu, c'est dessus. Bon, Et qu'est-ce qu'il est bleu? Ouais, ben, ça va, je peux juste changer de couleur, mais il y a de quoi. Je suis chanceux d'être capable de changer de dessin, mais. Ouais. Calice de. Un peu. Ouais. Ah, fuck it. Tabarnak. Bon, ben, de toute façon, c'est. On va arrêter là, je pense. De toute façon, pour le prochain. C'est pas bon pour ceux qui nous écoutent en ultra audio. Pourront pas voir tous les effets, mais. Si vous avez accès à la version ultra sensorielle aux yeux. Ouais. Vous avez tous vu ça, c'est assez incroyable. Oh, attends. Ouais, c'est rendu qu'on exporte le Dio en différents sens. Entends-je un appel cosmique? Oh! Super cool, méga bonjour! Hey! Salut mes petits nasos! C'est Théophile Jules Pelouse! Oh, pourquoi vous nous appelez en ce Cosmo matin? C'est moi, fils de Edmond Pelouse! Je mets fin à votre aventure! Wop, wop, wop! T'as-tu des trucs cette semaine? Non, pas tant. J'ai. Ça a été. Relax, pis pas. Je sais pas, c'était une drôle de semaine. J'ai joué à. Battleground encore, pis. Sinon, rien de trop fou. J'ai pas trop d'idées de sujet cette semaine. J'ai lu le premier Harry Dark Potter. Tower de oh. Stephen King. Oh. Parce qu'il y a un film qui s'en vient. OK. La tour est foncée, quoi? Ouais. C'est avec Idris Elba. Pas lui. Et Matthew McConaughey. Ah, oh, elle. Elle dans Interstellar. Exact. Dans les annonces de char aussi. Ouais. Mais c'est cool. C'est genre semi-fantastique un peu, là. C'est comme d'un univers parallèle. Puis c'est un gars qui... Ouais, genre univers parallèle d'un gars qui se promène dans un désert. Puis c'est un gunslinger. Puis il y a comme grosse histoire en arrière. Puis... Mais le film, ça va être cool. C'est un peu brutal, raide. C'est le même feeling que genre les histoires que mon père me contait quand j'étais petit de fermes d'animaux qui meurent, des trucs comme ça. Ouais, attends, quoi, ton père t'a conté quand t'étais jeune des histoires ouais, de fermes d'animaux qui meurent? Ouais, bon, ben, il y a tout le temps des petites anecdotes que tu fais comme, oh my god, la vie est donc ben dure. Genre, qu'il était comme, ouais, on a eu un chien de même, puis il s'est fait frapper, il est arrivé avec les tripes qui sortaient, des trucs comme ça. Ou j'ai un cousin qui tirait des bébés chocs à un 12. Tabarnak, t'étais-tu dans le lit, genre, avec les yeux grands ouverts comme, papa? Ah, il y a des fois, j'étais comme, aviez-vous des animaux dans ce temps-là? Ouais. T'as-tu là, Chris, son cousin il va venir avec un 12 et le tirer? Ah, oh, j'avais tout le temps peur à cause de ça. Hein. Mais ça, c'est un peu ce feeling-là, des fois, là, d'être sans pitié, on va dire. Mais c'est quand même... C'est bon. Je l'ai lu vraiment vite, le premier. C'est un petit livre, là, mais... Les 20 pages, c'est... là! Ouais, c'est ça. Délectable! Il y en a 7. La nouvelle littéraire 7. De 2 pages. Ouais, c'est ça. Ils font un film de 2 heures avec ça. C'est les mots, mais vraiment prononcés lentement. Ah, c'est ça. Présenté par Forbo. Mon seul truc culturel. Ouais, ok, tu fais un review Amazon de ça. Je mets tout le temps 4 étoiles. Moi, j'aime vraiment pas ça que je vais mettre 2-3, mais sinon, c'est toujours 4. C'est rare que je mets 5. Qu'est-ce que tu écrirais dans ta review? Rien, j'haïs ça, écrire des reviews. Ah, fait que tu mets des étoiles, tu t'écris rien? Non, ouais. Ah, mais tu mets quand même des étoiles sur Amazon? Non, pas Amazon, sur Goodreads. Ah, Goodreads. Okay. Parce qu'en fait, quand t'écris, comme j'ai fini, parce que je traque les livres que je lis. Ouais. Puis quand tu dis « I'm finished », ça ouvre la page de review, que tu peux mettre genre les étoiles, puis des trucs comme ça. Ah, c'est comme sur dans Just Eat, là, quand que... Non, Just Eat, ouais. C'est l'inverse, parce que quand ça te demande « ça a-tu bien été? » T'as un bon sourire, un moyen triste, puis un triste. Mais Chris, ouais. Tu te dis avant que ça arrive. Ouais, j'avoue. Ça va peut-être, c'est peut-être non, content là, vous allez être bon, c'est peut-être triste à la fin. Ouais, fuck you, ouais. Just Eat, plus comme Just... Con. Ouais, Just Con. Ouais. Mais ok, t'es-tu genre à écrire? T'es-tu genre à écrire? T'es-tu non, genre à écrire des reviews, non? Non, parce que je sais pas, je pense pas que je suis. Tu sais, je pense pas que j'ai assez de background là-dedans pour que ça soit genre correct pis que ça soit pertinent comme review, genre de. Je sais pas, j'ai pas ce besoin-là de montrer. Non, hey, c'est moi ça. Je trouve que. Parce que je trouve que c'est un peu prétentieux souvent écrire un review là de. Tu sais, vraiment détaillé, on s'entend. Tu peux dire pourquoi t'as aimé ça, puis ouais. Ah, moi j'ai aimé ça, telle affaire, mais souvent tu lis, même, pis t'es comme, aïe, aïe, arrête. Tu te forces donc, ben, de, ah oui, je trouve tellement que c'est inspiré de, genre, des archétypes de Jung, pis des trucs comme ça, pis t'es comme, macabre, toi. Ah, mais ça peut juste être, moi j'aime ça. Ouais, c'est ça, mais c'est, tant qu'à écrire ça, j'écris rien, pis c'est tout. Je me souviens pas d'avoir donné des reviews, tu sais, à part, mettons, sur iTunes, sur des podcasts, mettons, là. Ouais. Mais, mais quand j'étais jeune, je dois avoir donné, tu sais, il y avait des user reviews sur jeuxvideo.com. Il y en a sûrement de moins, mais. Peut-être. Ah, oh, tabarnak. Ok, fuck it, là, on va aller. Ah, moi, je sais plus comment. C'est sûr que si j'étais là-dessus, je m'appelais genre. J'ai eu un longtemps, man. C'est un peu, je ferais plus ça aujourd'hui, mais mon email, le premier email que j'ai eu, c'était Good God Buddha. GOODGODBOUDA. Ça commençait à la mail. C'était le meilleur. Je trouvais ça drôle comment ça sonnait. Je sais pas si ça se trouve. Si je cherche cet email-là, qu'est-ce que je peux trouver? Alors, mon vieux compte jeuxvideo.com existe encore. Oh, tabarnak. Je dirais pas le nom aussi, j'ai pas envie de. J'ai vraiment pas envie que les gens fouillent là-dedans. Là. J'ai peut-être écrit un... Ah non, en 2003. J'avais quel âge en 2003? Attends, c'est v'là 15... 14 ans? J'avais 14 ans. Ah, ça se peut. Je viens de trouver trois reviews que j'ai laissées sur jeuxvideo.com, puis ça date de 2006-2005. J'avais 15-16 ans. Chris, c'est quand même vieux pour être sur jeuxvideo.com, mais... Ouais. I guess. I didn't know better. Hein? Disons. Moi, c'était un problème sur Unreal 2 The Awakening. Je pense que c'est moi. J'imagine que c'est pas un hasard, Good God Buddha. Ah, oh, man. Moi, c'est normal. Quand je vais dans la mission du sanctuaire, après avoir vu les morts, le jeu se ferme et ça a marqué Général Protection Default. Puis après ça, je marque le message C. Mais le message, c'est la lettre C. Là, j'ai history un truc. Puis C, la lettre C, espace Ki, K-I. Faut faire pour s'arranger. Pour arranger ça, SOS, SVP, répond vite. As-tu une réponse? Non, pas pour ça. Le petit smiley, tu sors. Hein. Ouais. Je vais te lire ma critique du jeu Rayman contre les lapins crétins. Ok. Posté en 2006. Je trouve ça triste de mettre une note aussi basse, mais faut être réaliste. Rayman contre les lapins crétins est très drôle et plutôt amusant. Cependant, les jeux se répètent beaucoup trop. Je ne parle pas seulement des jeux avec plusieurs niveaux de difficulté, je parle de certains jeux qui ont exactement les mêmes contrôles. Les jeux semblent originaux au départ, mais ensuite on se retrouve avec des jeux qui se ressemblent et à la longue, c'est plutôt décevant. Le mode histoire ne prend pas 10 heures, mais plutôt 5 heures. Et au bout de 4 jours... les niveaux sont comptés en jours. On sent déjà que les jeux se répètent. C'est très dommage. Ah, oh, Christ, que c'est lent. Fuck it, là. Mais bref, en gros, ça restait pas bon, Rayman Raving Rabbids. Ouais. C'était un jeu de lunch. Ouais, c'était drôle au début, là. Ben, c'est ça. C'est drôle 2 heures, là. Mais après ça, c'est une collection de minigames pas tant bon. Puis avec les proto-minions. Ouais. Pour voler l'expression à Mathieu Bonin. Ben, c'est ça. Je n'irai pas les autres affaires. Par contre, ce que je peux te dire, sans le lire, là. J'ai quand même donné 20 sur 20 à Donkey Konga 2. C'était le fun en crise, Donkey Konga. Ben, c'était le fun, mais tabarnak. 20 sur 20, ouais, c'est un putain. 20 trop. Sur 20, hein. C'est à la même place que genre. Voyons. Ah, Chris, j'allais dire Destiny, pas Destiny. Le jeu que tu te promènes avec le petit monsieur dans le désert, voyons, avec le foulard. Journey. Journey! Tu vois ça, genre, au même niveau. Ouais, que c'est ça, hein? C'est Donkey Konga, c'est le Journey. C'est le Journey du GameCube, là. Ouais, le gars, t'es vraiment raffiné, hein. Mais le pourquoi ça me fait autant rire? Le review de Lapin Crétin était un peu cringy parce qu'il était comme... Il se prend trop au sérieux. Mais lui, il est pire, man. Là, je vais être obligé de le lire parce qu'il est comme en joual. Fait que tu sais, ça veut dire que c'était l'année avant où je me trouvais donc cool de parler québécois sur des forums français. Okay, okay. C'est sûr que j'avais l'air d'un esti gros retard, là. Ouais. Il y a bien du monde qui a l'air de pas aimer DK2. Mais moi, personnellement, j'aime ça. L'étudie, moi... J'avais pas joué au premier fac. Je ne vois pas les comparaisons, mais voici ce qui m'a dérangé dans le jeu. Il y a des trucs. J'ai donné 20 sur 20 puis ça me dérange pareil. DK est même pas en 3D, c'est une image. C'est poche! Écrit en majuscule. Vraiment! Écrit en majuscule. Dans la page menu, il a été un peu grossi. On voit clairement qu'il n'est pas en 3D. Deuxième point, tout le monde dit qu'il n'y a pas assez de tunes. C'est vrai, il y avait genre 20 tunes comparé à genre. Ouais. À Guitar Hero qui en avait 50-60, là. Mais moi, ça me dérange pas vraiment. Trois petits points. Après tout, trois petits points. Si on achète un jeu comme ça, c'est pour les tunes. Faut vraiment changer de jeu. C'est un jeu de rythme épais. C'est sûr que t'achètes un jeu de même pour les tunes, Chris de Mongol. Ouais, mais en même temps, c'est vrai un peu. Tu sais, c'est plus rythme. On dirait que comme c'est comme Taiko Drum Master que même si les tunes sont pas tant bonnes, t'es tellement concentré sur l'action de le faire plus qu'encore ouais, Guitar Hero, on dirait. 20, je sais pas. Je sais pas combien il n'avait. Je dis 20, mais il n'avait peut-être pas tant, là. Ouais, c'est trentaine, peut-être, là. C'était pas une sélection extraordinaire, le fucking de Hey now, il y a un instant. Ouais, j'avoue. C'est tabarnak. C'est vrai, c'était des tunes de même. J'ai fini en TK, écrit en TK. J'ai mis 20 parce que c'est un jeu idéal pour les parties en famille. T'as joué en famille? Non! J'ai jamais fucking joué à Donkey Konga en famille. Fuck you. Ah, Chris, c'est tellement bon, ça, là. C'est de mon gueule, de cette ouais, c'est ça. C'était comme, ben, ça peut pas être de la bullshit, mais ok, là, oui, c'est de la bullshit. Non, j'ai jamais fait ça, mais j'étais trop gêné ou ben, j'étais pas assez sûr de moi. Ouais, j'aurais aimé ça pas exister sur Internet à l'époque. Ouais, mais en même temps, c'est le genre de truc que, au moins, tu l'as fait, tu le sais, puis après ça, tu peux te rajouter plus que, tu sais, c'est ouais, déjà si, fait si t'as, une fois. Si t'as, puis... ouais, si t'as appris quelque chose, si t'as appris ouais, quelque chose, ça. C'est moins pire que d'être encore ouais, moi, je trouve ça mieux que, ouais, moi, je trouve ça mieux que de pas avoir rien fait, là. Ouais. Crissement mieux, c'est en vrai. Fait. Toi, parce que t'as essayé de quoi, pis t'es fait, t'sais, sans sortir d'une zone de confort, on s'entend avec la bullshit que t'avais, tu devais être plus comme, ah, oh, yes, j'ai fait ça, je suis vraiment cool. Surtout à cet âge-là, là. Ouais. Mais plus là, je te verrais pas faire ça, je pense. Ah man, non, c'est ça, j'ai pas. Non, mais c'est ça, j'essaie de me souvenir, j'ai laissé des reviews sur des sites ou peu importe depuis un. Je pense pas. Depuis un bout, ça me. Fuck off. Et si je cherche mon email maintenant. Oh man, ok, fuck it, je fais ça aussi. Non, je cherche mon email sur Google, puis ça me donne un résultat qui est un. C'est encore un truc sur. C'est weird, tu sais, c'est encore un truc sur jeuxvideo.com. Okay. Mais il y a un dude qui a écrit mon email dans un commentaire. C'est ça qui est resté. Genre, c'est le seul truc qui apparaît sur Google. Pourquoi? Oh! Tu trouves quelque chose de cringe? Ouais, mais c'est pas moi. Oh, quand même, je veux savoir. Ok, tu m'as donné un lien sur Skype, attends un peu. Ouais. xmatimo.skyrock, c'est pas toi, non? Non. Dis-moi que c'est pas toi. Hein? Non, Mathieu, surnom Matt, Matou, ville Passe-Bébiac, 15 ans. J'irai pas son email. J'aime les Smarties, j'ai un nouveau cheval, j'aime le skate, j'écoute Anna Montana en cachette, j'ai peur de ma mère, je me suis déjà fait kidnapper. My god! Son profil, 22 ans dans ton cul, Canada. J'ai tué mon poisson rouge, j'ai un piercing sur les deux tétons. Un piercing sur les deux ou un chaque? Ouais, je sais pas. J'aime pas le Pepsi. Oh, la phrase! Je suis fucking compliqué et dur à suivre. Qu'est-ce que tu penses de « Je suis interro » C'est quoi un interro? C'est où, ça? C'est dans le même truc que tu disais. Il voulait-tu écrire hétéro ou interro, c'est quelque chose qui existe? Puis je sais pas. Je regarde. Aujourd'hui, sur B, on apprend plein de trucs. Hein. On apprend le futur, on apprend des mots. Il a quand même utilisé ça jusqu'en 2010, man. Oh. Moi, j'aurais lu son email, là, c'est drôle en Chris, là. Son email, il est malade, là. Mais ouais, j'avoue. Ouais. Tu sais, des Skype, là, c'est comme... Ouais. C'est divertissant, puis ça fait mal en même temps. C'est vraiment spécial. Ouais, ouais. Ça n'a aucun sens, ça. Je vais jamais vraiment là-dessus. Non, mais je vais tout le temps pendant le podcast, là. Fait que... Hey, attends, y a-tu quoi encore sur les vilaines vadrouilles? Non. On rappelle les vilaines vadrouilles, ton vieux band que t'avais avec tes amis. Ça, puis on a fait aussi un band plus sérieux après, qui voulait être emo, qui s'appelait Beyond This Sorrow. Ouais. Ça existe encore, ça? Non, je cherche, mais non, y a rien. Hein. Oh. J'ai encore un t-shirt de ça. Ok, on s'entend-tu que si on fait un jour un événement en live, tu mets ce t-shirt-là? Ben, il est trop petit. C'est moi qui l'avais dessiné, man. Oui? Attends, je te le montre à l'instant, là. Je sais, il est où, là, ça va. Man, ça, c'est le cover de du c'est ce t-shirt-là avec un monde futuriste autour, là. Je vais prendre un print screen, là. Ça, il est où? Hey, man, ça, c'était de l'infographie, là. J'avais fait dans Paint, je pense. Ah, ben, Chris! C'est pas si pire! On voulait tellement, on avait fait une toune. J'ai perdu, j'ai jamais retrouvé. Ah, man, que j'aurais aimé ça. Là. C'est mon ami qui chantait. J'ai fait un print du chandail. Je m'en rappelais plus qu'on avait fait ça, man. Ça fait longtemps de bord que je veux faire de la musique. C'est encore un projet que t'as? Bah oui. Pourquoi je te demande ça? Projet, non. Dans ça, c'est pas comme un. J'ai pas comme, ah ouais, dans 5 ans, je fais ça. C'est plus, je pense que je vais juste m'amuser à faire ça toute ma vie, mais jamais un vrai projet. Tu gosses du côté des trucs. Ouais, c'est ça, exact. Je veux jamais comme essayer de faire ça sérieusement, je pense. Ah non, Sandbell, toi, le succès... Bon. Ben, ils m'ont déjà demandé, mais j'ai dit non. Monsieur Centre, je suis très flatté, mais... Monsieur Centre, je peux vous appeler Belle? Hey, on a un appel, je pense. Oh, oui, allô? Hey, c'est moi, Monsieur Q-Tip. Q-Tip, oh, non! Attends, je dérangerai pas longtemps. J'ai... Mal au ventre, ça va? Non, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube. Je fais des reviews de Q-Tip. Je voulais aller sur www.youtube.com/MonsieurQTipReviewsQTips. Je vais te partir. Ok, gars, je vais prendre. Je vais coller le micro sur mon ordi. Je vais. Attends. Je vais te faire jouer une vidéo. Hey! Allô, bienvenue à vidéo de review Q-Tip, review de Q-Tip, première review, les cotons-tiges équates du Walmart. Je veux dire que je les ai essayés hier, puis pour ce qui est de la fermeté de la ouate au bout de la tige, je vous dirais que c'est Monsieur, on va aller. L'adresse, puis on vous rappelle. Attends, c'était le bout. Les gens iront voir la vidéo. Attends, c'était le bout du time-lapse de Q-Tip. Attends. Ah, super. Donc, l'adresse youtube.com/Q-Tip Review. Oui, Review Q-Tip. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Bye. Ah, hein, il est fin, lui. Ça m'a fait penser, j'ai comme binge-watché, binge-écouté la vie en général. Puis tu sais, il parle de sauce piquante souvent parce que Olivier en fait. Ouais. Puis un moment, il parle de Claude Dubé qui fait des reviews sur YouTube de sauce piquante. Puis ça m'a comme intrigué, j'étais comme, the fuck? Genre, c'est genre si complexe ou je sais pas quoi. Là. Dans ma tête, on dirait sauce piquante, ça a tout le temps été plus comme... juste piquant, mais c'est plus complexe que ça, ça a l'air. Puis là, bref, je suis tombé dans un trou noir sur YouTube de vidéos de reviews de sauces piquantes avec des... Vous irez voir Bry Moe's World, B-R-Y-M-O, apostrophe S World. Tu m'as envoyé ça l'autre fois. J'en revenais pas que tu m'aies dit que t'as écouté ça toute la soirée. J'étais là, what? Que t'as écouté des reviews de sauce piquante toute la crise de soirée. Mais je comprends pas pourquoi ça vient me chercher. On dirait toutes les, parce que t'entends Claude Dubé qui est comme, ah oui, tu sais, oui, c'est piquant, ça va solliciter le haut de la bouche, un peu le palais, mais tu sais, c'est très doux sur le reste. Puis comment il parle, on dirait que ça m'hypnotise. Allons-y pour, évidemment, la dégustation. Alors, je vois pas de liquide qui se sépare. Quand la bouteille, ça fait quand même un moment qu'elle est sur la tablette, il y a un peu de vinaigre qui se sépare sur le dessus, mais une fois bien brassé, là, ça reste quand même homogène. Alors là, on a l'aigreur, là. Le baume, la boucane là, qui vient vraiment vous envahir. On a aussi une saveur de piment là, qui est là aussi. Alors moi, je confère à ça une très bonne saveur. C'est vraiment bon. Mais Brymose, lui, c'est plus parce que c'est genre... Tu sais, c'est un monsieur un peu pogné... Je sais pas comment dire. Il fait stéréotype de gars pogné. Moi, ouais, c'est un gros avec les lunettes. Là. Ouais, il ressemble un peu au Angry. Il ressemble au Angry Video Game Nerd un peu, mais vraiment. Ouais, gros, un peu là. En papa. Ouais, ouais. C'est ça. Genre, c'est son père. Il se tient super pogné, super droit. Puis là, genre, il essaye une sauce habanero de Trader Joe. Puis là, il goûte, puis tu vois, genre, que c'est plus épicé qu'il pensait. Puis là, il se met juste à comme balotter gauche à droite comme un bébé. Oui, c'est vrai. C'est lui. Puis là, il rote. Ouais. Puis là, il rote, puis genre, il. Il est comme, Here we go. Pour it onto the spoon. Swirling it around, it is a little on the thick side. I see some habanero chunks in there. Okay, here we go. Oh, heat's coming. Woo! That's a habanero burn. Whew. Oh, God, it's burning now. Oh, wow. Woo! That another, give me the hiccups. Oh man, wow. Oh God. Flavor's not bad at the beginning, and then the heat just boom explodes. Well, if I could talk without hiccuping, I would. Mais c'est 7 minutes, mais c'est genre, c'est pour vrai, je l'ai écouté au complet, puis là, j'en réécoutais d'autres, man. Ça m'obsède, c'est fou. Pis c'est drôle comment le monde a l'air sur deux quand ils font des reviews de sauce piquante, là, c'est comme... Ah, mais c'est un big c'est deal, fou. J'imagine, il doit avoir une mais communauté de ça, là. Ouais. Il doit avoir un groupe, regroupement des sauces piquanteurs mais... du Québec, là. Oui, ouais, oui, il y a des events, puis il y a des conventions, mais... Il reste qu'à la date, tout le monde qui en... Il y a personne de comme qui a l'air cool pour vrai ou des trucs comme ça qui font ça. C'est bizarre un peu, genre comme la communauté de ça est louche. Tu vas me dire qu'il y a pas d'ambassadeur de la sauce piquante. Non, c'est ça. Non, avec des stats de fou. Toutes les vidéos, c'est genre comme 200 vues. Hein. Oui, c'est vrai, ils ont presque pas de vues. Non, pour vrai, c'est une vrai truc, genre Brian Moswell, c'est comme 80 par vidéo puis ben tu sais, il y a ça, la qualité des vidéos aussi, là, c'est un peu c'est un peu boboche, mais après ça, il fait pas comme « comment ça, j'ai pas de... » En tout cas. Mais il y a combien de vidéos sur sa chaîne pour le fun? 300 000, là? Ben, c'est parce qu'il y a différents trucs. Il y a des reviews de sauce, il y a des reviews de... Parle-nous-en, je veux savoir. Je veux le connaître, ce monsieur-là. Moi, okay. Quand tu m'as montré une vidéo de lui qui balotte après avoir mangé sa sauce... C'est ça. Hey, man, je pense que je me suis trompé. C'est-tu pas Brymose, c'est pas... Est-ce que je suis pas... C'est une merde d'un nom, man. Attends. Fait que le nom que vous avez entendu, c'est pas ça. Depuis tantôt, vous êtes en train de le chercher, là? Non, mais attends, je le trouve pas. Il est pas là. Attends. Ben, tu me l'as envoyé, c'est l'autre jour, t'es pas si loin. Ta mère est pas si loin. Bonjour! Ah, puis je l'ai envoyé à plein de monde. C'est Brino. B-R-I-Y-N-O. Ah! C'est Brino, c'est ça. Qu'est-ce que t'as écrit? J'ai dit Brymo. Mais calice. Brymo, ça existe pas, ça. Brino, peut-être. Brymo. Il y a 166 vidéos quand même. C'est ça, j'étais là, c'est sûr que cette vidéo-là. C'est sûr que ce gars-là, il en a plus que 100, là. Ouais. Et en fait, c'est sa carrière de faire ça. Ah non, il y en a beaucoup. Mais l'affaire, c'est qu'il... C'est ça, il est super... Ah, il fait même de la bière, man. Des reviews de bière ou lui, il fait ça? Non, il fait... Brynose Brews. Il ressemble un peu plus, là. Il fait-tu du pain aussi? Il y a 6 vues. Mais c'est le fun à faire. C'est ça, ouais. C'est ce genre de truc que, genre, aussi que tu commences à faire des trucs, c'est le fun à essayer, genre. C'est comme, je ferai jamais comme plus de pain que ce que j'ai fait là. Genre, j'ai essayé des pains, puis c'est le fun de temps en temps, mais genre, je vais pas comme m'acheter des livres encore plus poussé sur le pain. Tu veux pas une carte d'affaires, Mathieu Gilbert, boulanger? J'aimerais être boulanger, fromager et designer de jeux. C'est le troisième titre. Ah, pis sa musique au début, man, tu le mettras. Moi, tout, man. Moi, mettre des extraits de lui. Quand t'es là, c'est juste plate que vous le voyez. Tu pouvais pas le voir dans le podcast en train de se balader d'un bar puis de l'autre. Ouais, là. Non. Mais c'est drôle en Chris, là, qu'il réagit à sa sauce puis. Tu sais, ouais. il coupe pas, là. C'est comme, c'est important pour le review qu'il y ait sa réaction de lui qui a chaud, qui balade d'un bar puis de l'autre, la face ouais. rouge. Ah, il est tellement sympathique, man. Il est vraiment sympathique. Tu veux. Il a l'air heureux de faire ça. Bref. Brino. Ouais, Brian Knows World, c'est. Il est comme vraiment bof du haut du corps, là. Puis, fait que ça, il est un peu trapu, hein. Ça lui donne un look. Il bouge pas. Il a pas de cou. Il a une ouais. tête de pouce un peu. Fait qu'il est comme juste. Il est comme juste barré. Il est comme barré. Ouais, non, mais c'est ma découverte. Ça, puis Claude Dubé, man, il est le fun à écouter parler. Ouais, il a de l'air spécial. Mais c'est tout le temps. Ses vidéos, il coupe pas. Il fait pas de transition que ça. Ça commence avec sa face qui est gelée. Qui fait. Oh, hello! Comme, oh! Prépare ça pas comme ça, comme pas, pas, pas, pas, pas. Il est vraiment sympathique. Ben, c'est sûr que t'as bouche molle après avoir goûté ouais. 6 millions de sauces piquantes. Mais il est genre fini 5e. C'est ce que Olivier parle dans le dernier épisode ou l'avant-dernier de la vie en général, qui dit que c'est genre, il a gagné comme. Il était 5e d'un concours de mangeage de viande épicée. C'est quoi? Est-ce que tu t'en manges le plus possible? Ouais, mais c'est tout le temps, tu sais. Ou c'est juste pas une cuillerée, ah, puis c'est toi qui fais le moins de réaction. Ouais, parce que c'est comme, ah, oh, tu sais, c'est raffiné. Ouais, mais il reste que les gros concours, c'est juste lui qui t'offre le plus. C'est un concours d'orgueil plus que genre de raffinement. Là. Ouais. Tu genre des places de bière et tu n'as pas de concours de chuggage. Ah, c'est vrai, hein? Tu sais, je sais pas. C'est bizarre. Parce que, pas qu'on ça les juge, fait, ces gens-là, ouais. mais. Ben ouais, mais c'est peut-être juste parce que de base, c'est parti de là, mais ça s'est raffiné de plus en plus. Là. C'est comme, tu sais, comme la bière au début, c'était pas genre, le but c'était pas que ça soit comme hyper, comme super bon avec plein de goûts différents. C'était plus comme, c'est de quoi à boire qui te donnait des calories puis qui t'avais tout le temps chez vous. Là. Ouais. Parce que tu sais, il y a plein de trucs, tu vois les ingrédients qu'ils mettent dedans, puis c'est, oui, il y a plein de, ça va tout goûter différent. Mais après ça, c'est comme ça nuit un peu, j'ai l'impression de « Hey, tain, mange des trucs fucking fort! » Mais à un moment donné, Chris, tes papiers, ils doivent plus suivre. Là. Ouais, mais c'est une impression que t'as de... C'est comme pour la menthe, là. Comme c'est... Tu sais, ta bouche est pas plus froide pour vrai, c'est plus ça trick tes récepteurs. Là. Ouais. C'est ce que... Mais si jamais vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode 17 ou 18 de La Vie en Général, Olivier, il en parle. On l'a-tu assez plugué, ce podcast-là? Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça, man. Je trouvais qu'il s'écoutait le mieux. Fait que vous l'aurez entendu ici, au sorbet ouais. pleurote. Au sorbet du sorbet caractère mou. Podcast Pudding. Podcast Pudding interagit sur notre page. Je veux entendre l'audio de ça, là. Ouais. Parce qu'on dirait ouais, un faux podcast. Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai besoin d'une petite coche de... fait qu'encore des faux comptes sur notre page Facebook. Un certain Denis retentit aussi, qu'on salue. Penses-tu, quel produit... Tu sais, là, il y a des reviews sur Spion. Quel produit qui a pas de review, tu penses? Ça existe-tu? Je sais pas, hein? On y est avec les Q-tips tantôt. Du popcorn. Je viens de chercher youtube.com de la barre de recherche de Windows. Review de Q-tip, ben oui, toi. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, mais c'est pas des chaînes de review de Q-tip, c'est un review de Q-tip. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça? Ouais. It's got that nice smooth shaft and it's got the fluff density that you're exactly looking for. It's not too compact and hard, which would, you know, cause chafing or damage to your ear, but it's also not too fluffy that it can't penetrate that wax and let you relax. I mean, just take a gander right here at that smooth shaft. It's exactly what you would expect. It's sleek. Mais je pense que c'est une joke. Mais si c'est pas une joke, c'est drôle en tabarnak, là. Ouais. De juste parler de shaft tout le temps, là. Des reviews de papier. Ok. Ah non, regarde. Ouais, c'est. Genre, review Stratmore 200 Series Kiss Watercolor Paper. C'est. 13 minutes. Ouais, c'est une joke. La joke, la chaîne s'appelle Sick Reviews. Puis son dernier vidéo, c'est Crippling Depression Review. Puis il dit qu'il a eu ça pour plusieurs années, fait qu'il est bien placé pour faire un review. Fait que, ok, je sais pas s'il est drôle, mais l'idée de la chaîne me fait rire. Là. Ah, il y a plein de reviews de popcorn, man. Read review Chester Flamin' Hot Popcorn. Il y a un gars, il fait des reviews dans son char. Casual Gamer Read. Peut-être qu'on aurait fait un podcast en char. Hein? On pourrait appeler ça le sorbet du caractère moteur. Ouais. Mot. Comment elle s'appelle la fille dans Star Wars? Mot. Je sais pas. Mot. Je sais pas son nom. Il fait ça dans son char d'un parking, man. Mais il y en a beaucoup de ça, du monde qui review, ouais. Genre. Il y a beaucoup de monde qui font des reviews d'eux autres, qui vont chercher, mettons, du take-out d'un restaurant, puis ils essaient des menus, genre. Ouais. Puis ils le mangent dans l'auto. Ben, dis en même temps, le son. That's awful. Le son, il doit bien sonner dans l'auto. Ouais, puis t'es moins gêné parce que personne t'entend, puis. Chris, demain, quelqu'un qui voit un dude parler à sa caméra seul avec ses sacs de popcorn, Chris, en même temps. J'aimerais ça, ouais, voir un jour un vlog de quelqu'un, ou une émission, ou quelque chose, ou une vidéo sur un vlogueur, genre, mais tu vois juste. Comment lui setup? Tu sais, un vlog, tu en avoir déjà vu, tu t'en bien seté, là, tu le vois arriver chez eux, tu le vois aller acheter des pumps, là, la caméra, ouais, est setée sur le comptoir, avec le tapis roulant. Mais tu sais, pour l'avoir mis sur sur la table roulante de l'épicerie, genre, mettons, ouais, faut qu'il demande à la caissière, genre, excuse, faudrait que je fais un vlog. Ben, c'est comme des vidéos sur YouTube. Ben, c'est comme sur ma vie. Puis, est-ce que vrai, je mettrais la, ouais, caméra ou là? C'est du stock footage, peut-être. Je vais arriver. Non, parce que c'est souvent la personne, ah, qui est dedans, lui, okay, ou, ouais, ou c'est les affaires autour. Fait que, tu sais, forcément, cette conversation-là, avec tous les trucs qu'il fait, là, genre, mm-hmm, quand je fais un vlog, je vais mettre ma caméra là, ouais, je vais faire semblant d'arriver, je vais mettre mes pommes sur le, ouais, tapis. Puis... J'imagine le fait de faire cet effort-là, d'assumer de même, fait que c'est mieux. C'est genre, ça fait partie des. Je sais pas où je vais en aller avec ça, j'ai perdu mon idée à mi-chemin. Le bonhomme mi-chemin. Mais ouais, ça doit être whack. Mais oui, j'aimerais ça voir ça. Ça. Je veux juste voir. Pas nos sérieux. Je veux juste voir fou, ça. Juste l'entre, ou tu sais, le dude qui fait un time-lapse, que c'est juste, tu vois, j'ai une vidéo de lui qui filme à côté, que c'est crissement long, là. C'est comme, ah ben, ça filme quelque, ouais, chose, là. Faut que j'attende 10 minutes pour que ce soit beau. Ouais, c'est ça. Ou, ouais, même les auteurs, tu sais, c'est d'aller parler à du vrai monde, des trucs comme ça, tu sais, de prendre des notes, pis tout, là, ça doit être bizarre. Ouais. Hey, excuse-moi, genre, je peux-tu voir qu'est-ce que tu fais toute la journée? Parce que ça doit être lourd aussi. Hein? Ouais, hein. Y a-tu de quoi que tu penses? Parce que je me rends compte, on dirait plus genre, à chaque fois, je suis comme, ouais, mais ça, c'est juste ça. Tu sais, mettons la sauce piquante, des trucs comme ça. Ouais. Que de base, c'est genre, j'assume que c'est hyper simple comme truc, mais finalement, il y a quasiment de la complexité. Les podcasts? Un truc... Non. Mais même ça, oui. Mais dans ça, il y a de la complexité. Y a-tu un truc que tu penses qui a pas de complexité? Oh, point. Genre, peu importe ce que tu fais dedans, là, peu importe combien de temps tu passerais à faire un truc ou quelque chose du genre, ou un. Je sais pas, à en manger ou à en faire, des trucs comme ça, qui est pas genre. Ça. C'est ben trop on the spot, je suis incapable de penser à rien. Ouais, non. T'as une idée, toi? Non. C'est parce que si vous avez des idées de ça, écrivez-nous. Pour vrai, là, je suis sur le spot, j'ai zéro fuck all, rien qui me rattache. Je suis mauvais on the spot, je suis une merde. J'ai-tu parlé que je suis allé au mondial de la bière? Non, la semaine passée, tu parlais que tu y allais, ah, on enregistrait avant. Là, ça. Je t'ai dit, tu fais une chronique là-dessus, puis tu as dit non. Ben oui. Ouais, c'est vrai, oui, ben je peux en faire une vite. Ben go. Review de Festibière. Mondial bière. Review. Somebody once told me the world is gonna... Ouais. Non, mais ouais, c'était cool. Non, c'est pas... ça coûte quand même cher. Là, c'est genre, ça a coûté genre, j'ai pris un kit à 40, c'est en gros, t'as une carte. T'as 22 piastres de crédit. Un ticket, en gros, c'est... Ben, en fait, t'as 22 tickets, c'est une pièce chaque. Puis chaque bière, elle coûte entre 2 puis 8 tickets. Chaque bière, puis c'est des 4 ou 8 onces, là. C'est genre... c'est même pas... C'est comme même pas à moitié d'un verre, mettons. OK, ouais. Max. C'est quand même cher pour la quantité que c'est, là. Ouais, mais au final, pour 20 piastres, c'est l'équivalent peut-être d'une pinte et demie ou deux. De trucs différents. De, ouais, c'est vrai. Genre importés, puis... C'était quand même, c'était correct. C'est cher, là. Ça l'est. Coup de cœur là-bas. Ben, l'affaire qui m'a fait chier, j'y allais pour essayer. Je vais essayer la Zombie Dust. C'est une compagnie, je sais plus quelle, aux États-Unis. Je sais pas où. C'est Tree Floyd. Puis j'arrive, puis ah, on a plus une de Tree Floyd aujourd'hui. Tabarnak. Chris. Là, j'ai essayé plein d'autres bières, plus d'ici, genre de la brasserie de la souche. Une IPA normale qui était quand même correct. Il y en a une, la Bois Blanc. La Kraken, c'est genre une IPA impériale, mais ça sent un peu le caca. T'es sûr que c'était pas Kraken? Ouais, c'est ça. Mais non, mais elle était super bonne, mais à l'odeur, pas tant. J'étais pas fan. Puis sinon, j'en ai goûté une de Over Up, c'est une compagnie, une brasserie brésilienne. OK. Alors ça, tu vas pas en trouver ici, mais elle était vraiment, vraiment bonne. Je vais pas faire de méga review là-dessus, juste pour dire, il y en avait plein, puis c'était vraiment cool. Sur 5 étoiles, mondial de la bière? 4. 4? Solide 4. Mais on aussi, il y avait il y a une école de bière qui était là. OK. Puis faisait remplir un questionnaire, genre de « Ah, à quel point vous connaissez la bière? » Je suis fan de la fille, je l'ai un peu intimidée. J'ai eu genre une mauvaise réponse. Puis c'est genre, parce que c'était le mot français, c'est genre tout raillage. J'ai comme « Aucune idée, je connais pas les termes en français. » Et comme « Ah, il connaît ça! » Puis elle nous a donné des estis de gilets lettres. Puis des trucs à cause de ça. Es-tu plus beau que ton chandail de ton band ou... Ah non, il est jaune. C'est marqué mondial de la bière de 2012. Quoi? Ouais. Bon, mais on t'a merdé. Ouais, pour moi, c'est un avec vieux gilet. Son petit point, hein? Un vieux chandail vieux de 5 ans, il va être content. À la fin, genre, elle faisait même plus attention à ce qu'elle faisait. Elle faisait cliquer super vite, puis elle bougeait un peu. Elle était comme, je sais pas si elle était, genre, fâchée ou quoi. C'était bizarre. Ben là, mais elle était sympathique. Elle voulait te vendre son école, elle. Ça lui a coûté 10 000 $ suivre, je sais pas combien de cours pour apprendre tout ça, puis tout, t'as rien payé. Mais c'est ça, elle était comme super. J'ai comme, mais Chris, tu fais partie de l'école. Là. C'est genre, tu serais censé savoir ça. Et comme, en tout cas, c'était bizarre. C'était drôle, mais bon. Je connais un peu ça, finalement. C'était cool. Pas pour rien. C'était mon bragging, mon temps de bragging. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les sorbières du caractère malte. Brou! Ah, c'est ouais, brou, c'était meilleur. Désolé. Ben, ça roule encore. Non, c'est pas... C'est fini, brou? Ça roule sûrement encore. Ça va rouler jusqu'à temps que un des trois meurt. Ça va être sûrement lui, lui qu'on se souvient jamais, là, des trois. Là. Ouais. Pas Michel Côté, pas Marc Messier, mais le troisième. Là. Sûrement lui. Ouais. Si c'est lui, ben ils vont sûrement le remplacer quelqu'un d'autre, puis ils vont continuer pour vous pareil. Bon, enfin, comme il était pas mort, c'est pas le même. Ouais, c'est ça. Oh, Chris, il est pareil. désolé à ce monsieur-là, il est peut-être bien fin. Ouais. Hey, je pense que c'est... Ça sent la fin, hein? Ouais, ça sent la fin. Une fin présentée par Théophile Jules Pelouse. Ben oui, toi qui... Voyageur interdimensionnel. Ben, qu'est-ce, toi, lui? Ben, pas interdimensionnel, en fait, du temps. Interdimensionnel? Ouais. Ou interdimensionnel. Bref, là, inventez vos mots. Là. Allez sur Forvo, hein, si vous inventez des mots. Allez sur Forvo. Prononcez-les sur Forvo. Ouais. Allez, il faudrait... maintenant, on va se faire ça. Là. On va aller prononcer des mots sur Forvo. Puis, bagnant. Frouille. C'est le mot pomme. Tu dis le mot. Ouais, tu pognes, mettons, pomme. Puis tu dis juste pomme. Pong. Alors, tu le changes. Pong. Pomme. Pomme. Pomme. Il y avait une vidéo de même sur YouTube, je sais plus c'était quoi, mais c'est mon... Banane. Je dirais que tout le monde sur Facebook, je suis allé un moment donné quand ça a sorti, je sais pas quoi, mais tu sais, c'était juste un gars qui prononçait des noms de band ou de films, je sais plus trop, mais il prononçait mal. Fait que tout le monde arrêtait pas de faire... Puis tu sais, c'était genre how to pronounce band names, peu importe, mais tu sais, il prononçait mal, là. Chaque mot était mal prononcé, puis fait que tout le monde, c'était juste comme « Esti, c'est pas de même qu'on prononce de band name, moi, je connais ça, Chris, là, décroche, t'as une paradis, là. Esti, quel monde, je suis pour rien. Pomme. Fait que c'était l'épisode 56 Pomme. Des Sobert du cratère Mua. Merci d'avoir été là. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. C'était plein de likez surprises. Notre page, likez notre page Facebook. Je pense qu'on s'est surpris nous autres. Suivez-nous sur Twitter. Ben ouais, j'espère qu'il est la moitié aussi bon qu'il était le fun à faire. Je pense qu'il est assez standard. Ouais, correct. Ça s'appelle pas les standards du caractère mou pour rien. Ben non. Hein? Ma blonde aime ça aussi. T'es standard. C'est pas... serait non, elle a dit je m'endors. Ah, c'est ça. Ouais. Bon, c'était comme... pas tant drôle comme blague. Ouais, ben, c'est le ma blague non plus. Hein. Ok, ça, c'est la fin, la pire crise de fin. Là, on se rappelle, ben, le buis, tu veux faire avec ça, buis. Buis. Hein? Buis. Y a-t-il un mot, y a-t-il un autre mot qu'on pourrait... sauce piquante, y a-t-il un truc de sauce piquante, tu penses? Sauce piquante? Bon, ouais. Mais y a-t-il un truc de sauce piquante de quoi? Ben, sur Forvo? Ah! Sauce. Piquant. Sauce. Piquant. Ouais, piquant, on dirait plus Pikachu. Piquant, piquant, piquant, piquant, piquant, piquant, piquant. La sauce. Sauce. Oh, comme c'est piquant. La sauce. La sauce? La sauce. La sauce. La sauce. Non, sauce. La sauce. Bien, lui. Sauce. Sauce. La sauce. Ouais, la sauce. La sauce. Sauce hollandaise, tu penses, c'est comment? Sauce hollandaise. Sauce hollandaise. Ah, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus, hein, c'est... Saucé. Sauce piquante. Je trouverais ça crissement drôle de tomber sur une grosse prononciation québécoise un moment donné. C'est malade, je pense que personne... Ben là, c'est peut-être ça qu'on va engendrer, hein. Personne connaît ça. Baleine. Ah, mais... Okay. Ouais, on va aller... On baleine, non, allons. C'est baleine ou baleine? Baleine. J'ai marqué sauce baleine. Moi, je dis baleine. J'ai toujours dit baleine. Mais je pense que je dis baleine. J'ai l'impression que ça n'est, on prononce plus léger, on dirait, genre, tu sais, coteur. Mais c'est tout le temps des heures. Genre, Baleur. OK, baleine. Il y a 6 prononciations de baleine. Il y en a un Canadien. Par Éloi. Oh. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Je pensais baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Baleine. Ah, oh, attends, on peut cliquer ses noms. Monsieur Poulain 001. C'est Julien, c'est pas. Oh, hey, je peux tout écouter ses mots. Nice. Lingerie. Une bête. Quoi? Enregistreur. Orgueil et préjugé. Dessin industriel. Hey, ça, c'est mon préféré, là. Dessin industriel. Bidonné. Ce. Avertissement. Hé là, tabarnak. Ça, là. Si ça prononce pas top, hein. Avertissement. Mêlé. Mais faut utiliser ce avertissement-là. En avoir. Genre, avertissement. En avoir. Les sorbets commencent. Baleine. Neige. Souvenir lointain. Réclame. Nous bouillons. Puériculteur. Il est ben trop enthousiaste quand il dit puériculteur, là. Puériculteur. Puériculteur. Période. Je vais essayer de me le rappeler. Créature. Usine. Brandebas. Georges. Bonaventure. L'ex-otage. Pourquoi dans tes mots que t'as utilisé, t'as l'ex-otage? Tu sais, tu vois, c'est juste ça, c'est genre l'ex-otage tué, meurtre. Non, mais l'ex-otage. Enlèvement, c'est quoi, kidnapping. Ça? C'est tellement précis comme mot, c'est pas otage, c'est un ex-otage. T'en connais-tu c'est beaucoup des ex-otages? Ouais, peut-être. L'ex-otage. Peut-être que c'est genre un doute super traumatisé, pis c'est la seule chose qui qu'il calme, pis là on est en train genre de le démolir. Bang. Là, part pas. Ah, Chris, il part pas, c'est une arme à double tranchant. Ah, je voulais l'entendre. Le CIO. Apprenne. Le journal de printemps. Le journal de printemps, c'est précis, là. Ouais. Poulain 001, écoutez, sur Forvo, on peut s'inscrire. Il y a un feed RSS de ses productions. Chris, c'est vrai, là. Il y a un feed RSS de toutes les prononciations que les gens prononcent. Ah, fait que ouais. Si vous êtes fan d'un mot ou d'une prononciation de quelqu'un ou d'une personne qui prononce des mots sur Forvo, vous pouvez fucking vous inscrire avec un feed RSS. C'est génial. J'adore ce site-là, là. Forvo.com, ah, moi j'ai envie de... Ok, attends un petit peu. T'as envie de... Sac-moi patience. Crème fraîche. Château. Charles V. Anacruz. Château. Épluché. Forestier. Footballeuse. Fondement. Fonda. Fondateur. Fonctionner. Hey, lui, ça c'est Éloi, là. Il y en a en tabarnak. Guest-up. Ah ouais. Gauchère. Garnier, garde-fou, garde-corps, garantie, galant. Il y en a 10 pages. Bon, hey man, on va finir sur ce bout poigneur. Caroline, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Joël, Jean-Eude, Élodie, Elliot, Édouard, Géraud, Honoré, Jean-Eude, Joël. Bon. On pourrait mettre juste ça, tu sais, ça finit pis c'est juste des mots de même. Ça va être Oh, attends, t'enregistres encore? Ouais. Écoute bien sur le. Chris Vierge. Caliboire. Simonette. Marde. Marde. C'est pas lui, ça? Samuel. C'est pas lui, ça? Samuel. Tu fais-le. Oui, lui. Samuel. Acheter un micro. Bon, c'est ça. Bref, Mais ça peut être après le générique. Ben, je pense que tout le bout des mots, ça va être après le générique, je pense. Mais c'est que ça me fait plus rire que ça devrait, là.